192e chapitre, à deux doigts de la mort. Grondard n'avançait pas. La réparation menaçait de s'éterniser, car le contremaître avait soudain remarqué que plusieurs écrous avaient été enlevés. « Je m'en doutais bien, » dit-il, « quelqu'un a saboté notre appareil pendant qu'il était sous le hangar. »« Parbleu, » dit M. Voirin, « ce ne peut être que Steiner, mais pour une fois le traître a manqué son coup. » « Oui, » s'écria Fabien, « il n'a décidément pas de veine depuis quelque temps. La chance ne semble pas le favoriser. Vous verrez qu'il finira mal, cet individu-là. » « En attendant, » murmura Grondard, « il nous occasionne une panne sérieuse, et je ne sais comment je vais m'en tirer. Francis, passe-moi la boîte aux pièces de rechange. » L'apprenti s'exécuta aussitôt, et l'on entendit le contremaître fouiller parmi la ferraille. « Trouvez-vous ce qu'il vous faut ?» demanda M. Voirin. « Ma foi, oui. Je crois que ces machines-là vont faire l'affaire. Ça ne sera pas une réparation définitive. Mais enfin, nous ne voyagerons pas toujours dans des pays sauvages, et nous finirons bien par découvrir un atelier de mécaniciens. » Tout à coup, les aviateurs tressaillirent. Le ronflement d'un moteur venait de se faire entendre. « Les voilà !» fit M. Voirin. « Ils sont joliment en retard. »« Pourvu qu'ils ne nous aperçoivent pas !» murmura Francis. « Pas de danger, » répondit Fabien. « Nous sommes ici bien dissimulés. » Le bruit s'accentuait, et bientôt on aperçut dans le ciel une masse noire qui passait en zigzagant. « On dirait qu'il cherche à atterrir, » dit Fabien. « Oui, vous avez raison, » chuchota l'ingénieur. « Ils ne nous ont pas aperçus, cependant. C'est donc le hasard qui les conduit juste à l'endroit où nous sommes. »« Tant mieux, » soupira Fabien. Nous allons peut-être nous débarrasser d'eux tout à fait. Il n'y a pas de témoins ici. Le patron ne pourra donc pas s'opposer à ce que nous leur infligions la petite correction qu'ils méritent. » Comme Dick commençait à grogner, Francis le fit taire. L'aéro repassa encore une fois. On le vit raser les arbres qui se trouvaient sur la droite. Puis le bruit du moteur cessa tout à coup. « Ils descendent en vol plané, » dit Grondard. « Maintenant, ils sont là, derrière ce bois. » La situation devenait critique. Il était très difficile, en effet, de continuer la réparation, car c'eût été donné l'éveil aux Allemands qui se tenaient tout près de là. « Je crois, » souffla M. Voirin à l'oreille de Fabien, « que nous ne sommes pas très bien dissimulés ici. On pourrait nous apercevoir. Donnez-moi un coup de main. Nous allons rouler l'aéro un peu plus loin, de façon à ce que le bois qui se trouve en face de nous le masque complètement. « Vous avez raison, » répondit Fabien. Et les aviateurs se mirent à pousser sans bruit l'aéro. Cette besogne se trouvait d'ailleurs facilitée par une légère déclivité du terrain. La nuit était très obscure et il était impossible de se rendre compte de l'endroit où on se trouvait. « Tiens, » fit le Parisien, « ça descend joliment par ici. Je crois qu'il serait bon de caler l'appareil. » C'est ce que l'on fit immédiatement. Dès lors, Grondard se mit à réparer le plus silencieusement possible, pendant que Francis et Fabien, couchés à plat ventre sur le sol, prêtaient l'oreille au moindre bruit et surveillaient attentivement Dick, qui s'agitait frénétiquement. Parfois, ils entendaient un léger bruit de voix et des grincements prolongés. « Parbleu, » fit Grondard, « ils réparent eux aussi. » Les heures s'écoulaient et le contremaître, qui était obligé de travailler sans lumière, n'avançait guère en besogne. « J'ai envie de m'approcher un peu, » dit Fabien à l'ingénieur, « pour aller voir ce qu'ils font. »« Gardez-vous-en bien, » dit M. Voirin. « Il est inutile de nous exposer inutilement. Dès que nous serons prêts, nous leur brûlerons la politesse et tout sera dit. »« Oui, mais ils tireront sur nous. » « En pleine nuit, ils nous manqueront certainement. » « C'est certain, mais si notre réparation n'est pas terminée avant le jour, alors nous verrons. » Les aviateurs demeurèrent silencieux. Ils entendaient très distinctement le bruit des voix de leurs ennemis. « Oh, si vous vouliez que j'aille jeter un coup d'œil jusqu'à l'entrée du bois, » dit Fabien à l'ingénieur. « Non, » répondit M. Voirin, « je vous le défends. Vous n'êtes donc pas guéri des aventures ? On ne me verrait pas, je vous en réponds. » « Non, je ne veux pas. Il est préférable que vous restiez ici. Il ne manquerait plus que cela qu'on vous enlève, comme cela est déjà arrivé une fois. » Le Parisien n'insista point. Il se prit à réfléchir. Mille pensées se heurtaient dans sa cervelle, et il faut croire qu'il avait fini par trouver quelque chose d'ingénieux, car il se frotta soudain les mains. Monsieur Voirin commençait à s'énerver. De temps à autre, il jetait un regard inquiet sur le ciel. « Eh bien, Grondard ! » demanda-t-il enfin. « Je n'y vois goutte, patron !» répondit le contremaître. « Voilà pourquoi je n'avance pas. Si je pouvais seulement allumer une petite lampe électrique !»« Gardez-vous-en bien !» Et puis, l'aéro est instable. À chaque instant, il remue. Il est mal calé, sans doute, et il glisse peu à peu. « Attendez, nous allons l'immobiliser !» dit l'ingénieur. Soudain, le jour parut, et les aviateurs eurent peine à retenir un cri d'épouvante. À suivre. Dans le prochain épisode, l'abîme.